بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. L'auteur dit رحمه الله كتاب الطهارة. Le livre de la purification. Le kitab, le mot kitab dans la langue arabe, c'est l'assemblement. C'est pour cela que Al-Katiba, qui est un groupe donc de soldats, de combattants, est appelé par ce mot-là. Et de même, Al-Katib, c'est le cordonnier. C'est le cordonnier. Pourquoi ? Parce qu'il rassemble les morceaux de cuir par des ficelles. Donc il y a, dans la langue arabe, ce sens-là qui est le rassemblement. Le kitab, kitab ut-tahara, ça va être un chapitre qui va rassembler un ensemble de notions, un ensemble de règles. Al-tahara, dans la langue arabe, c'est al-nadafa, la propreté. La propreté. Et l'exemption d'impureté hissiya, matérielle, wa ma'nawiyya, notionnelle, immatérielle. Al-hissiya, mithlu al-bawli wal-ra'iti wal-dam. Donc al-hissiya, les impuretés matérielles telles que l'urine, telles que l'excrément, telles que le sang ou autre. Wal-ma'nawiyya, notionnelle, telles que l'impureté notionnelle telle que le mauvais comportement, comme par exemple Al-Kibr. Ça, c'est une najasa ma'nawiya, même que Al-Ghurur, l'illusion, etc., toutes ces choses-là. Donc, c'est des impuretés notionnelles qui sont en lien avec le comportement ou autre. Et de ceci est pris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant la famille de Lot alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc les mécréants du peuple de Lot, lorsqu'ils voyaient la famille donc de Lot ne pas faire le péché, ils ont dit akhrijuhum min qaryatikum, chassez-les de votre village, innahum unasun yatataharun, ce sont des gens qui se purifient. Et ils ne visaient pas par cette expression là la purification donc matérielle, qui est le fait d'enlever du sang, ou le fait d'enlever de l'urine, ou le fait d'enlever toute autre chose impure, matérielle, palpable, mais ils visaient le fait qu'ils étaient des gens qui se purifiaient de par leur comportement en délaissant le péché connu que faisait le peuple de Lot. Donc ça, c'est la tahara dans la langue arabe. Et vous verrez que souvent, lorsqu'on traitera une notion, on la traitera d'abord d'un point de vue linguistique, et ensuite d'un point de vue législatif. Pourquoi ? Car il y a souvent un lien intime, pas toujours, mais de manière majoritaire, un lien intime qui peut être fait entre le sens législatif et linguistique. Donc on se rappelle cela, je répète, pour que ce soit simple et que ça rentre dans la tête de tous. La purification dans la langue arabe, on n'est pas encore dans le sens législatif, c'est donc l'exemption, la pureté de toute impureté matérielle, comme le sang, l'urine ou autre, ou bien immatériel, comme les mauvais comportements. D'où aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innama al-mushrikuna najas. Les associateurs sont une impureté, sont impurs. Les associateurs sont impurs. Que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala par cela ? Certains savants ont dit que ce sont une impureté matérielle, c'est-à-dire que le kafir est impur de manière matérielle, tout son corps, sa transpiration, sa salive, son sang, sa peau, ses cheveux, etc. Mais la majorité des savants disent que non, que c'est une impureté donc notionnelle, immatérielle, qui consiste, qui renvoie à leur kufr, à leur mécréance, leur shirk, etc. Dans la législation, qu'est-ce que at-tahara, la pureté, la purification, dans la législation? En arabe, on dit hiya raf'ul hadath wa ma fi ma'nah wa zawalul khabath. Donc la pureté, ou bien la purification plutôt, dans le sens législatif, c'est l'enlèvement du hadith, que je ne traduis pas volontairement et que l'on va voir, l'enlèvement du hadith et de ce qui a son sens, wa zawalul khabath, et la disparition du khabath, que aussi volontairement je ne traduis pas. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par raf'u al-hadith? L'enlèvement du hadith. Qu'est-ce que le hadith? Le hadith, c'est une notion en lien avec le corps qui empêche l'authenticité de la prière, du tawaf, donc du fait de tourner autour de la Kaaba, et de toute autre action, conditionnée par la purification. Je répète, C'est une notion, donc immatérielle, qui empêche l'authenticité de la salat, ainsi que le fait de tourner autour de la Kaaba. Et ça, c'est à titre d'exemple. Il y a autre chose, comme le fait de toucher le Coran et autre chose. Et toute autre action qui est conditionnée par la purification. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est raf'ul hadith. Et le hadith, donc le hadith, il se divise en deux catégories. Il y a le grand hadith et il y a le petit hadith. Le grand hadith, c'est ce qui implique, la janaba, c'est la janaba, l'état de grande impureté, le haïd, l'état de menstru, comme c'est et an-nifas, les louchis. Et le petit hadith, donc c'est la perte de la petite pureté induite par l'émission de gaz, d'urine, donc la sortie des deux voies, devant, derrière, le sommeil profond qui fait partie, qui fait perdre les sens, etc. Et toutes les notions que l'on verra dans les annulatoires des ablutions. Donc la purification dans la législation, c'est l'enlèvement du hadith. Et là, quand on dit l'enlèvement du hadith, c'est l'individu qui l'enlève. Le mot raf, il implique que c'est la personne qui enlève son hadith. Donc obligatoirement, il faut une niya, il faut une intention. Wa ma fi ma'nah, et ce qui a le sens du hadith, ça c'est certaines notions comme le sommeil. Le sommeil, est-ce que c'est quelque chose qui a eu lieu et qui fait perdre l'ablution de manière directe comme le gaz, l'urine ou autre? Non. Pourquoi est-ce que le sommeil est un annulatoire des ablutions? Parce que c'est ce qu'on appelle en arabe « madinnatu hadith ». C'est quelque chose où il y a de fortes probabilités qu'un annulatoire des ablutions ait eu lieu. Il se peut qu'il y ait eu émission de gaz, il se peut qu'il y ait eu émission d'autre chose. Donc du fait de cela, alors la sharia a impliqué les ablutions après ce type de sommeil. Mais en lui-même en réalité, ce n'est pas un hadith. C'est pour ça qu'on dit « wa ma fi ma'na ». « Wa zawalul khabath » et la disparition du khabath. Le khabath, c'est l'impureté matérielle. Donc la purification, c'est l'enlèvement de l'impureté notionnelle, grande impureté notionnelle, petite impureté notionnelle. Et la disparition, je ne dis pas l'enlèvement, je dis bien disparition, et la disparition du khabath. Et la disparition de l'impureté, de l'urine, du sang, ou autre que l'on va voir en détail plus tard. Donc en revanche, le khabath, s'il part tout seul, c'est valide. Si quelqu'un a sur son vêtement, donc une impureté, et qu'il pleut, et que l'impureté part sans que lui ait mis une intention de lavage, ça c'est bon. C'est pour ça que là, en arabe, ils ont dit « zawalul khabath » et ils n'ont pas dit « izalatul khabath ». Al-izala, c'est le fait d'enlever. C'est l'enlèvement, ce qui implique une action de l'individu. Alors que « az-zawal », c'est la disparition en elle-même. Et quand on dit « zawal ul-khabath », donc la disparition de l'impureté dans la tahara, c'est au niveau de trois choses. La première, le corps. La seconde, le vêtement. La troisième, l'endroit où l'on fait la prière, comme on le verra lors de la prière, Inch'Allah. Donc, Kitab al-Tahara en expliqué, hein, qu'est-ce que ça voulait dire. Bab ahkam al-miyah. Bab ahkam al-miyah. La porte concernant les règles des eaux au pluriel. Al-bab en arabe, al-madkhalu ila shay. C'est le point d'entrée donnant sur quelque chose. Et ici, le mot bab, il est utilisé parce qu'il fait entrer dans la science d'un domaine. En l'occurrence ici, les règles concernant les eaux. Donc c'est comme si la personne sortait donc d'un endroit dans lequel il est ignorant pour entrer dans un autre endroit, dans une autre pièce dans laquelle il va trouver cette science-là. Donc il sort d'un état qui est l'ignorance et entre dans un autre état qui est l'état de la science. C'est pour cela que le mot beb, le mot porte, a été utilisé par les fuqaha, les jurisconsultes, dans leur texte. Ahkam, c'est le pluriel de hukm. Le hukm dans la langue arabe, c'est al-qada, le jugement, le décret, et aussi al-man', l'empêchement. Ahkam, pourquoi est-ce que l'auteur a dit ahkam et n'a pas dit hukm? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé le pluriel? Car l'eau va avoir plusieurs statuts. Dans ce chapitre que l'on va voir, elle va avoir plusieurs statuts. Et les statuts, donc de manière résumée, dans le sens législatif, ils sont de deux grandes familles d'abord. Il y a al-ahkam al-taklifiyya, donc les statuts concernant la responsabilité de l'individu en termes d'actes et de délaissement, et al-ahkam al-wad'iyya, et d'autres règles qui sont des signes, des règles mises en place par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces notions-là sont étudiées en usul fiqh, donc al-ahkam al-wad'iyya, je les laisse de manière volontaire, et on en rencontrera quelques-unes dans l'explication du texte. À ce moment-là, Inch'Allah, on les expliquera d'une manière assez simple. Mais je m'arrête assez rapidement sur al-ahkam al-taklifiyya. Ce sont les règles concernant la responsabilité de l'individu. Elles sont au nombre de 5. Al-wajib, l'obligatoire, qu'on appelle aussi al-fard. Al-wajib ou bien al-fard, c'est la même dénomination. C'est ce que le législateur, c'est-à-dire Allah, a ordonné de manière tranchée. Et l'implication de cette notion-là, c'est que la personne faisant cet acte-là peut être récompensée, Inch'Allah, et si elle la délaisse, elle peut être châtiée. Ensuite, on a en deçà, un degré en dessous de ça, on a le recommandé, qu'on appelle al-mustahab, ou bien qu'on appelle al-mandoub, ou bien qu'on appelle al-sunnah. Tous ces noms-là, ces termes-là, se rejoignent. C'est ce que a ordonné le législateur, mais d'une manière non tranchée. Ghayra jazim, pas d'une manière vraiment tranchée, sévère, sur laquelle l'obligation est complète. L'implication de ce statut-là, c'est que celui qui fait ça, il peut être récompensé, et s'il le délaisse, il ne sera pas châtié. Il n'y a pas de châtiment dû au délaissement du recommandé. Symétriquement, par rapport à ça, on a le makruh, le détestable. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, mais pas une interdiction tranchée complète. L'implication de ce statut, c'est que celui qui le délaisse, Inch'Allah, il aura une récompense. Celui qui le fait, Inch'Allah, il n'est pas châtié. On continue, ensuite on a le haram, l'interdit. C'est ce que le législateur, donc Allah, a interdit de manière tranchée. Celui qui le fait, il est soumis à quoi? Je vais vous entendre. Châtiment. Et celui qui le délaisse? Une bonne récompense. Non. Donc là, c'est symétrique. En haut, on a le wajib, l'obligatoire, l'interdit, on descend d'un degré. Qu'est-ce qu'on a? Le recommandé, le sunan, le mustahab, le mandoub, le recommandé. Ensuite, là, on a le makruh. On a, c'est un interdit, mais pas du même degré que le haram qui est au-dessus. Qu'est-ce qu'on a en bas, là? Ça fait un V, donc. Qu'est-ce qu'on a en bas? Le moubah, le licite. Et ça, c'est la chose dont le fait de le faire ou bien de le délaisser est du même niveau. Le licite. Tu peux le faire et tu peux le délaisser. Donc, le législateur ne l'a pas ordonné, ni d'une manière tranchée ou non tranchée, car si c'était d'une manière tranchée, ce serait une obligation. Si c'était d'une manière non tranchée, ce serait en deçà, donc recommandé. Il ne l'a pas interdit d'une manière non tranchée, sinon ce serait makruh, détestable. Et il ne l'a pas interdit d'une manière donc complète, sinon ce serait un haram, donc c'est un licite. Donc ça, ce sont les 5 statuts. Et je rappelle, le fard et le wajib, chez la majorité des savants, ça a le même sens. Donc il a dit, babu ahkam, il a dit, les règles, les statuts. Pourquoi? Car il y aura des eaux différentes, et les statuts seront différents suivant les eaux. Al-miyah, c'est le pluriel de ma, c'est le pluriel de ma, qui veut dire eau. Al-miyah, donc c'est O-E-A-U-X, c'est un pluriel. Al-miyah, pourquoi aussi ici, il a apporté un pluriel, et il n'a pas dit, babu ahkam il ma, la porte des règles de l'eau sans X, donc au singulier. Pourquoi est-ce qu'il a apporté un pluriel? Car comme on va le voir, il y a plusieurs types d'eau. On verra qu'il y a 3 types d'eau chez la majorité, 2 chez d'autres. Nous, on choisira l'avis selon lequel il y a 3 types d'eau. C'est pour ça qu'il a apporté donc ce pluriel-là. Donc le cheikh dit, rahmatullah alayhi, khuliqa al-ma'u tahura, yutahhiru min al-ahdath wa al-najasat, fala tahsulu al-taharatu bima'in ghayri. Khuliqa al-ma'u tahura, l'eau a été créée tahour, je ne traduis pas volontairement, yutahhiru min al-ahdath wa al-najasat. Elle purifie des ahdath, qui est le pluriel de hadath. C'est bon le mot hadath maintenant? Elle purifie des hadath et des najasat. Ça, c'est les khabath. C'est comme, c'est le pluriel de khabath, donc de l'impureté matérielle. فَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ غَيْرِهِ. La purification ne peut avoir lieu par un autre liquide. On va aller doucement pour que ce soit clair, inshallah. خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا. L'eau a été créée tahour. Ça, c'est la première catégorie d'eau qu'on va appeler الْمَاءُ الطَهُور. Quelle est la première catégorie d'eau? L'eau tahour. Qu'est-ce que at-tahour? Al-baqi ala asli khilqatih. C'est celui qui est comme Allah l'a créé, qui est toujours dans l'état, donc originel, dans lequel il a été créé. Donc c'est l'eau de pluie, l'eau de mer, l'eau des puits, l'eau des nappes phréatiques, l'eau des fleuves, l'eau des rivières. Ça, c'est la première catégorie d'eau. On appelle ça al-ma'u at-tahour. Quelle est sa qualité? Tahirun fi nafsihi. Il est pur. Donc en lui-même, son essence, c'est qu'il est pur. Mutahhirun li ghayrihi. Purificateur, donc d'autrui. Il est pur et purificateur. C'est bon? Première catégorie, l'eau tahour. Quand on entendra tahour, ça veut dire qu'il y a deux notions. C'est qu'il est tahir en lui-même et qu'il est mutahhir, donc pur en lui-même, mutahhir, purificateur. Donc le cheikh dit, خُلِقَ الْمَاءُ تَهُورًا. L'eau a été créée tahour. Quel est le dalil donc de cette notion-là? Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تَهُورًا. Et nous avons fait descendre du ciel une eau. Donc qu'est-ce que je peux traduire par tahour? On ne traduit pas. Tahour. Nous avons fait descendre donc du ciel une eau tahour. Surat al-Furqan, verset 48. Dans un hadith aussi rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'eau de mer. Au sujet de l'eau de mer. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. Son eau est tahour et ce qui est mort, donc comme bête vivant dedans, est hill, est licite. Et il y a une cause montrant ce hadith-là. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit cette phrase-là? Il ne l'a pas dit comme ça sans une question préalable. Des compagnons sont venus le voir et l'ont dit, Ya Rasulallah, inna narkabul bahra. Donc nous partons en mer. Wa laysa ma'ana illa al-qalil min al-ma. Et nous avons avec nous que très peu d'eau. Idha tawadda'na bihi atishna. Si jamais on fait les ablutions avec, on aura soif. Afana tawadda'u min ma'il bahr. Est-ce qu'on peut faire donc nos ablutions avec l'eau de mer? Pourquoi la question a été posée? Parce qu'à la base, l'eau de mer n'est pas comme l'eau donc de pluie, l'eau des puits, l'eau des nappes phréatiques ou autre. Donc le fait qu'il soit mélangé au sel et qu'il ait un autre goût, une autre odeur, les a amenés donc à poser cette question. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit, At-tahuru ma'uhu. Son eau est tahour. Donc elle est pure et elle est aussi purificatrice. Le hadith est rapporté par Akhrajahul Arba'a, par les quatre. Ça c'est aussi, c'est une terminologie dans la science du hadith qu'on va utiliser pour s'y familiariser. Donc quand on dit rapporté par les quatre, qui sont les quatre? C'est An-Nasa'i, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah. Quand on dira rapporté par les quatre, c'est ces quatre-là. Donc c'est les quatre rapporteurs des Sunan. At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah. Quand on dira rapporté par les trois, c'est ces quatre et on enlève Ibn Majah. Donc qui est-ce qu'il reste? At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i. Quand on dira rapporté par les cinq, ce sera ces quatre et l'imam Ahmed. Quand on dira muttafaqun alayh, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quand on dira rapporté par les six, ce sera les quatre des Sunan et avec Al-Bukhari et Muslim. Quand on dira rapporté par les sept, c'est les quatre des Sunan, Al-Bukhari et Muslim et l'imam Ahmed. Ça c'est la terminologie de Ibn Hajar al-Asqalani dans Bulugh al-Maram. Donc ce hadith il est rapporté par les quatre. Ibn Khuzaymah l'a authentifié. Aussi dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. L'eau est tahour, rien ne la rend impure. Akhrajahu thalatha. Donc ce hadith là il est rapporté par les trois. Qui me les cite? Abu Daoud, At-Tirmidhi. Les quatre sauf Ibn Majah, mais il faut connaître les trois. Abu Daoud, An-Nasa'i ou At-Tirmidhi. Na'am. Il a été authentifié par l'imam Ahmed. Et ce hadith-là, Innal ma'a tahourun la yunajjisuhu shay, l'eau est tahour, rien ne la rend impure. Aussi, il y a une cause à ce hadith-là. Donc les compagnons sont venus voir le prophète alayhi salatu wa salam et l'ont questionné au sujet d'un puits qui s'appelait le puits de Bouda'a. Na'am. Le puits de Bouda'a. Et c'était un puits dans lequel étaient jetées les serviettes, donc hygiéniques, des femmes, ainsi que des viandes, l'uhumul kilab, les viandes des chiens, et wannatan, et des impuretés. Ce n'est pas les gens qui jetaient ça. C'était un puits qui était au niveau du sol, et c'était donc les pluies, lorsqu'elles descendaient, ou bien le vent transportait ces impuretés, et les déplacer au point de les faire tomber dans le puits. Il ne faut pas comprendre que c'était les gens qui jetaient ça dans le puits, bien sûr que non. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Innal ma'a tahourun. L'eau est tahour. La yunajjisuhu shay. Rien ne la rend impure. Le hadith, je rappelle, est rapporté par les trois et a été authentifié par l'imam Ahmed. Donc on revient à l'expression de l'imam Ibn Qudama. Khuliqal ma'u tahoura. L'eau a été créée. Tahour, yutahhiru min al-ahdath wa an-najasat. Donc cette eau là qui est tahour, elle purifie des ahdath, donc le pluriel de hadath, grand et petit. Donc il permet d'enlever la grande impureté qui est la janaba, la petite impureté qui est donc l'absence de la petite pureté, et aussi wa an-najasat. Elle purifie des najasettes, donc des impuretés matérielles. Donc cette eau-là purifie des impuretés matérielles et notionnelles. Donc ça, il y a un consensus là-dessus. Hein, il n'y a pas de divergence. Et quel est le dalil de cela? Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُمْ بِهِ » Sourate Al-Anfal, verset 11. « Et il fait descendre sur vous du ciel une eau afin de vous purifier. Liyutahhirakum bih. Ce lème là, ce lème, liyutahhirakum bih, nous on le traduit en français par afin de. Ce qu'on appelle en arabe lème ou ta'lil. Ça montre la cause de ce qui est précédemment cité. Wa yunazzilu alaykum minas sama. Et il fait descendre sur vous, donc du ciel, ma'an, une eau. Liyutahhirakum bih. Afin de vous purifiez par celle-ci. Donc l'eau descendue du ciel, elle avait été qualifiée dans Sourate Al-Furqan comme étant tahour. Ici, elle est qualifiée comme étant purificatrice, afin de vous purifier. Donc l'eau tahour, en réunissant les deux versets, on arrive à quelle conclusion? Elle est purificatrice. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit afin de vous purifier, et il n'a pas précisé afin de vous purifier des impuretés notionnelles seulement, ou bien des impuretés matérielles seulement. Donc les deux types d'impuretés sont enlevés par l'utilisation de l'eau tahour. Donc le shir dit fala tahsulu taharatu. La tahara, avec ces deux catégories, ne peut être obtenue avec un autre liquide. Donc on commence par la purification notionnelle qui est le fait d'enlever quoi? Je veux le mot arabe. Le hadath. Très bien. Le fait d'enlever le hadath. Quel est donc le dalil concernant cela? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Ma'ida, dans le chapitre Al-Ma'ida, il a dit qu'en absence d'eau, on devait faire le tayammum. Wa in kuntum marda, et si vous êtes malade, ou ala safarin, ou bien en voyage. Wa in kuntum marda, ou ala safarin, bien que l'un d'entre vous a fait ce besoin. Ou la mastumun nisa, ou bien que vous avez eu un rapport sexuel avec donc vos femmes. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. Le tayammum, donc, est un remplaçant, donc, de l'utilisation de l'eau que dans une circonstance là, citée dans ce verset-là, laquelle ? L'absence d'eau. Si un autre liquide pouvait être utilisé en dehors de l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait cité avant d'arriver à une purification sèche par l'utilisation donc de la terre. Donc ce qui n'est pas le cas. Donc en dehors de l'eau, il n'y a pas de liquide qui peut être utilisé pour enlever le hadith. Le verset ici, est-ce qu'il implique, ce verset-là, est-ce qu'il implique zawal ul khabath, le fait d'enlever l'impureté matérielle? Est-ce qu'il intègre ça? Non. Wa in kuntum marda, si vous êtes malade, ou ala safari, ou en voyage, ou bien que vous avez fait vos besoins, ou bien que vous avez eu un... Et quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez fait vos besoins, c'est, il parle de ce qui annule les ablutions, la sortie des deux voies. Ou bien que vous avez eu un rapport sexuel avec vos femmes et que vous ne trouvez pas donc d'eau, faites le tayammum. Le verset n'intègre pas donc l'enlèvement de l'impureté matérielle. Donc concernant le fait que le seul liquide utilisable pour enlever l'impureté notionnelle est l'eau, il n'y a pas de divergence à ce niveau-là. Concernant l'enlèvement de l'impureté matérielle, Inch'Allah, on ne prend pas l'avis du cheikh, mais l'avis selon lequel l'impureté peut être enlevée par tout moyen possible. Donc ici, selon cet avis-là, une impureté qui partirait, par exemple, par le soleil, ou qui partirait par le vent, par exemple, un endroit où je prie. Et dans cet endroit-là, il y a un excrément. Et un très fort vent, une tornade ou autre, passe et enlève cet excrément. Et le décroche de manière totale et on ne voit plus sa trace. Si jamais on utilise cet avis-là selon lequel donc l'enlèvement de l'impureté matérielle ne peut se faire par autre chose que l'eau, donc on est de manière obligatoire, on doit laver l'endroit à l'eau. Même si on ne voit plus l'excrément, il n'y a plus rien. Mais nous, on choisit l'avis selon lequel l'impureté peut être enlevée par tout moyen. Quel est le dalil? Quelle est la preuve de cela? C'est que c'est la base. L'impureté, c'est une notion physique. Si elle est présente, il y a impureté. Si elle est absente, il y a pureté. Et aussi, de nombreux hadiths montrent que le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné la purification par autre chose que l'eau. Comme le hadith des sandales. Lorsque l'un d'entre vous arrive à la mosquée, qu'il regarde le dessous de ses sandales et s'il voit une impureté, qu'il les frotte. Hein, qui les frotte avec la terre, et ceci est une purification pour lui, c'est dit dans le hadith. Donc ce n'est pas ici une utilisation de l'eau, ce qui prouve bien que la purification peut avoir lieu par autre chose que l'eau. Et quand on dit purification ici, c'est la purification donc matérielle. فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ كَانَ جَارِيًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٍ. Lorsque l'eau atteint le niveau de deux qullah, atteint le volume de deux qullah, aucun ajariyan, ou bien qu'il est en mouvement, lam yunajjishu shay, rien ne le rend impur, illa ma ghayyara lawnahu aw ta'mahu aw riha, sauf ce qui changerait sa couleur ou bien son goût ou bien son odeur. Lorsque l'eau atteint le niveau de deux qullah, al qullatayn adam thanna qullah, c'est le duel. Qullatan, c'est le duel de qulla. Et le pluriel de qulla, c'est qilal. Qu'est-ce que al-qulla? C'est un volume. Déjà sur lequel il y a une très grande divergence depuis les premiers siècles. Les savants ne se sont jamais mis d'accord sur le volume précis, déterminé de ce qu'est une qulla. Al-qulla a été appelé qulla parce que c'est ma yuqallu bil aidi, c'est ce qui est porté par les mains. C'était des grosses jarres que l'on pouvait porter par la main. Et donc, l'avis du madhhab Hanbali, et donc choisi ici par l'imam Ibn Qudama, c'est que lorsque le niveau d'eau atteint deux qullah, qui est 270 litres, les contemporains l'ont évalué à ça, d'autres ont dit 307 litres, il y a même une divergence donc en litres, puisque déjà à l'époque ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Lorsque l'eau atteint ce niveau-là, ou plus, si l'eau entre en contact avec une impureté, du sang, de l'urine, un excrément, etc., les impuretés que l'on verra plus tard, du médi, du liquide pré-éjaculatoire ou autre, l'eau ne devient pas impure, sauf, comme a dit le cheikh ici, illa ma ghayyara lawna, sauf si jamais cette impureté change sa couleur, ou ta'ama, ou bien son goût, ou riha, ou bien son odeur. En deçà de cette unité-là, en dessous de 307 litres chez les Hanbali, une goutte d'urine dans 306 litres, tout l'eau est najis. Tout l'eau est impure. En dessous de 2 qulla, si l'eau n'est pas en mouvement, en dessous de 2 qulla, l'eau tout de suite devient impure par le simple contact avec la najasa. Une goutte de sang, une goutte d'urine, les 306 litres, ou bien selon la parole des 270 litres, les 269 litres deviennent impurs. Donc ça c'est la vie chez les Hanbali, ce n'est pas la vie que l'on va choisir. Sur quoi est-ce qu'ils se sont fondés? Sur un hadith qui est authentique chez certains savants et faible chez beaucoup d'autres. Le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné au sujet donc des eaux, des mares pardon, auxquelles viennent donc les lions, les fauves et d'autres bêtes pour en boire. Et ces bêtes-là, qui sont donc des bêtes carnivores et des prédateurs, mangent de la charogne, qui est elle najissa, qui est elle impure. Donc les compagnons sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et ont questionné le prophète alayhi salatu wassalam au sujet donc de cette eau-là, puisqu'elle est en contact avec une impureté. Elle est en contact avec une impureté, donc portée par la bouche de ces animaux-là. Donc, quel est le statut de cette eau-là? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a répondu, إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ. Et dans une autre version, لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثْ. Lorsque l'eau atteint le niveau de 2 qullah, il ne devient pas impur. Il ne devient pas impur. Ou bien lam yahmil al khabath, il ne supporte pas l'impureté, c'est-à-dire qu'elle n'a pas donc d'impact sur lui. Mais il y a consensus qui a été rapporté par de nombreux savants comme Ibn Qudama dans le Mughni lui-même, selon lequel lorsque l'eau donc change d'odeur, de goût ou bien de couleur par contact à une najasa, à une impureté, elle devient alors najisa et elle perd donc son caractère pur et purificateur. Donc telle est l'avis choisi par les Hanbali. Donc en delà de 2 qulla, et il s'appuie sur le hadith donc où le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné au sujet de l'eau où les bêtes viennent boire. En deçà de 2 qulla, le simple contact avec l'impureté rend toute l'eau impure. Sauf si jamais l'eau change de couleur, de goût ou bien d'odeur. Il dit aussi aucun najariyan, ou bien si l'eau elle est en mouvement. Aussi lam yunajis hushay, rien ne la rend impure. Sauf si jamais encore elle a changé de couleur, de goût et d'odeur. Si jamais on a une rivière qui est en mouvement. Une rivière qui est en mouvement et de nombreuses bêtes sont égorgées en amont. Donc à la source, et que toute la rivière devient rouge, on ne dit pas que c'est encore tahour, parce que l'eau est en mouvement. L'eau en mouvement, par le simple contact avec l'impureté, elle ne change pas de manière absolue. Sauf si jamais il y a changement d'une des trois caractéristiques. Ça, donc c'est l'avis qui a été choisi par la plupart des Hanabila, la plupart des Hanbalit. C'est pour ça qu'il a dit ensuite « وَمَا عَدَ ذَلِكَ » Et en dehors de cela, yanjusu bi mukhalatatin najasa. Le fait de se mélanger à l'impureté, donc, rend l'eau impure. Nous, l'avis que l'on prend, c'est qu'on prend en considération le changement, quel que soit le volume de l'eau. Donc, ce que l'on prend en considération, c'est le changement de couleur, ou bien d'odeur, ou bien de goût. Que ce soit une des trois caractéristiques, deux ou les trois en même temps. Le changement d'une caractéristique suffit pour donc déplacer l'eau de son caractère tahour à une des deux autres catégories qui est donc soit tahir pur mais non plus purificatrice ou bien najis ou bien impur et qui là n'est pas pur en soi-même et encore moins donc purificatrice. Donc, quel est le dalil de cela? Quelle est la preuve de cela? Eh bien, c'est le hadith de Bi'r Buda'a, du puits de Buda'a. Qu'est-ce qu'avait dit le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a été questionné sur ce puits dans lequel étaient jetées des impuretés? Innal ma'a tahour, l'eau est tahour, la yunajjisuhu shay. Rien ne le rend impur. Rien ne le rend impur. Et on a donc un ajout. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit dans une autre version donc de ce hadith-là? Sauf ce qui change son goût, sa couleur ou bien son odeur. Mais on a dit que ce rajout, il est faible. Mais on a un ijmer, on a donc le consensus selon lequel, lorsqu'il y a changement d'une de ces trois caractéristiques, il y a changement du statut de l'eau. Donc là, on a vu deux catégories chez Ibn Qudam al-Maqdisi. Première catégorie, l'eau, tahour. C'est l'eau qui est pure en elle-même et purificatrice. Et on a vu l'eau qui est impure. Quand est-ce qu'une eau pure devient impure selon l'avis que l'on a choisi? Lorsqu'elle change d'odeur, ou bien de couleur, ou bien de goût. Non. L'un des trois, deux des trois, ou bien les trois. Il ne faut pas attendre obligatoirement que les trois caractéristiques changent. Ensuite, le cheikh a dit wal qullatan et les deux qulla ma qaraba 180 artalin bid dimashqi. C'est ce qui équivaut à 108, donc artal selon l'unité de Damas. Donc on ne s'attarde pas là-dessus, c'est une unité donc ancienne qui était utilisée à l'époque donc de l'auteur de Ibn Qudam al-Maqdisi, qui équivaut à 270 litres, 307 selon d'autres. Mais nous, on ne prend pas en considération cela. Ensuite, comment est-ce que l'on répond d'une manière assez rapide au hadith donc des Qullatain? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été questionné donc sur les mares, les eaux auxquelles viennent boire, desquelles s'abreuvent les bêtes contenant des impuretés au niveau de la bouche, et il a dit lorsque l'eau atteint le niveau de deux Qullah, donc il ne devient pas impur. C'est que ce qui a été tiré par les Hanabila, c'est le sens donc indirect, sous-entendu du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il ne dit pas lorsque l'eau est en deçà de deux qullah, elle devient impure directement par le contact à l'impureté. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est un sens sous-entendu au hadith. Alors que le hadith sur lequel on s'est basé, innal ma'a tahour, l'eau est tahour, rien ne la rend impure. Ça, c'est le sens direct, littéraliste, propre du hadith. Et donc, le mentouq, le sens littéraliste propre, muqaddam ala al-mufhoum, il est prédominant par rapport au sens donc secondaire ou bien direct de l'autre hadith. Donc, les deux qullas sont équivalents à 108 artals selon l'unité de Damas. Wa in tubikha fil ma'i ma laysa bi tahour. Et si jamais est cuisiné dans l'eau quelque chose qui n'est pas tahour? Qui n'est pas tahour. Ça, c'est la première chose en lien avec une règle qui va donner à la deuxième phrase. Ou bien qu'il est mélangé donc à l'eau tahour, ou bien qu'une chose est mélangée à l'eau tahour et qu'il prend le dessus sur l'eau au point de lui retirer son nom, qu'on ne peut plus appeler cela de l'eau. Ou bien que l'eau tahour, là, c'est le troisième cas, a été utilisé pour enlever un hadith, grand ou petit, salaba tahouriyata, la tahouriya est perdue. Quand on dit tahouriya, c'est pas tahara. C'est pas dans le sens que l'eau ne devient. Ce n'est pas la pureté. La tahouriya, c'est la pureté et quoi encore? Et la capacité de purifier. Il faut se rappeler de ça, tahouriya. Donc ici, il nous apporte trois cas dans lesquels l'eau perd sa tahouria, perd donc son caractère purificateur. Le premier, lorsqu'est cuisiné dans l'eau, on fait bouillir, on cuisine dans de l'eau, quelque chose qui n'est pas tahour, qui n'est pas tahour. Donc il y a deux choses qui ne sont pas tahour. Il y a ce qui est pur, tahir, et il y a ce qui est najis, impur. Il y a ce qui est pur et ce qui est impur. Donc il dit wa in tubikha fil ma'i ma laysa bi tahour. Si on cuisine dans l'eau quelque chose qui n'est pas tahour. On met de la viande dans de l'eau. Et on fait bouillir l'eau, on cuisine cela, et après ça donne de la sauce. Est-ce qu'avec cette sauce-là, je peux enlever le hadeth akbar ou bien le hadeth asrar? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est plus de l'eau. Ce n'est plus de l'eau. Est-ce que c'est najis impur? Non, c'est pas ahir. La preuve, c'est que c'est halal, on peut le manger. Donc si quelque chose de pur est cuisiné dans de l'eau tahour, et que l'eau perd donc une de ces trois caractéristiques, le goût, l'odeur, ou bien la couleur, prend donc le goût, l'odeur ou la couleur de ce qui a été cuisiné en elle, alors elle devient cette eau tahira. Et si c'est quelque chose d'impur qui est cuisiné dedans, de la viande de porc, l'eau elle devient quoi? Elle devient najissa, elle est impure. Donc quoi, in tubikha fil ma'i ma laysa bi tahour, si jamais est cuisiné dans l'eau quelque chose qui n'est pas tahour, donc quelque chose soit tahir pur ou bien soit najis, aw khalatahu fa ghalaba ala ismi, ou bien que quelque chose qui n'est pas pur est mélangé à une eau tahour au point donc de prendre le dessus et de lui retirer son nom. D'une manière à ce qu'on ne peut plus dire au point, sans rajouter un adjectif, ou bien carrément en lui changeant son nom. À ce moment-là, aussi, l'eau perd sa tahouria. Comme le fait d'être mélangé, par exemple, à du jus d'orange. Si on met du jus d'orange dans de l'eau, et que cette eau-là perd une de ses trois caractéristiques, et prend l'odeur de l'orange, bien le goût de l'orange, bien la couleur de l'orange, à ce moment-là, cette eau-là, est-ce qu'elle est encore tahour? Non. Selon notre avis, chez certains, oui. Est-ce qu'elle est najissa? Est-ce qu'elle est impure? Non. Donc c'est une eau qui devient tahira. C'est une eau pure. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour enlever le hadeth? Non. Non. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour enlever le khabeth? Oui. Donc si c'est quelque chose de pur qui se mélange à cette eau tahour, et qui change une de ces trois caractéristiques, ou deux ou trois, elle n'est plus utilisable pour enlever le hadeth, mais elle est utilisable pour enlever le khabeth. Mais si c'est un najis qui est mélangé à cette eau tahour, et qui change une de ces trois caractéristiques, qu'advient-il de cette eau-là? Elle n'est plus utilisable ni pour enlever le hadeth, et ni pour enlever le khabeth, car c'est un khabeth en elle-même. Aw istu'mila fi raf'i hadathin salaba tahuriyyatah. Ou bien si l'eau a été utilisée pour enlever un hadith, si l'eau a été utilisée pour enlever un hadith, selon l'auteur, donc dans le madhhab Hanbali, l'eau perd sa tahouria. Et cet avis là on ne le choisit pas, l'ilmu indallah, car il n'y a pas de dalil clair. Ils se sont appuyés sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui est dans Sahih Muslim, la yartasilu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub, que l'un d'entre vous ne fasse pas donc son ghusl, son bain rituel, dans l'eau stagnante alors qu'il est en état de janaba, en état de grande impureté. Pourquoi? Ils ont pris de ce hadith là que ce bain rituel va enlever la tahouria de l'eau, et c'est loin ça dans le délit. Beaucoup de savants disent que c'est simplement parce que c'est quelque chose que répugnent les personnes. Le fait que quelqu'un prenne un bain dans une eau stagnante et que l'utilisation donc fréquente de cette eau est prolongée par les gens pour faire des bains, à force, ça va la salir. Mais l'utilisation d'une personne, que ça enlève la tahouria, le hadith n'implique pas ça. Et c'est un délil, wallahu a'lam, qui est assez loin du statut qui en a été tiré. Donc l'eau à la base elle est tahour. Si quelqu'un fait ses ablutions avec cette eau là et je précise, quand on dit l'eau utilisée donc pour enlever un hadeth, c'est l'eau qui coule des membres, ce n'est pas l'eau qui reste après les ablutions. On ne parle pas de cette eau là c'est l'eau qui coule des mains, l'eau qui coule du visage, l'eau qui coule des pieds, l'eau qui coule des bras, etc. C'est cette eau là Si quelqu'un fait ses ablutions et récupère cette eau dans un autre récipient, cette eau ici, selon l'auteur, elle n'est plus tahour. Elle n'est plus tahour. Certains ont dit tahir et certains sont même allés loin, on dit najis, ce qui est quand même encore plus loin comme avis, de dire qu'elle est impure. Nous, qu'est-ce que nous disons de cette eau-là? Qu'elle reste tahour. Parce que c'est la base et il faut un délil pour pouvoir dire qu'elle est, elle a perdu sa tahouria, son caractère purificateur et pur en elle-même, et le délil n'est pas présent. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. Et si jamais il doute au sujet de la pureté de l'eau, ou bien d'autre chose, ou bien de son impureté, il fonde sur la certitude.